Aujourd'hui, à Assemblage Requis, Martha Bertrand analyse le phénomène Paris Hilton dans sa petite mythologie et il y aura une chronique technologique CX. Assemblage Requis commence maintenant! Bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis seul. Aujourd'hui, on va sauter un prompt rétablissement à Kiwan. Ah, pauvre Kiwan. En tout cas, je vais raconter l'histoire une autre fois. Pour l'instant, par contre, le plan d'aujourd'hui, on va avoir Martin Bertrand qui va nous analyser le phénomène Paris Hilton. Il va nous parler en long et en large de qu'est-ce que c'est Paris Hilton, qu'est-ce qu'elle représente dans sa petite mythologie un petit peu plus tard. On va aussi avoir une chronique technologique CNX. Sujet, ça va être la roulette chanceuse aujourd'hui. Je vais vous rouler ça, puis on va trouver un thème. Ça va être assez passionnant. On va aussi avoir de la musique de palmarès et évidemment d'autres choses qui vont s'imbriquer dans ce beau petit plan de l'émission Assemblage Requis. Commençons par une pièce qui va nous mettre tous dedans, parce que c'est vraiment une très très bonne pièce de la formation Plagia. Voici Beautiful Explosion, tout de suite au 89.1 FM. C'est fou! I've got grounds for divorce. It's in my blood, this divorce. I separated everybody. I need distance from your body. ça nous arrange pour rien au monde. On voudrait qu'elle change alors qu'on se plaint de tout ce qui nous dérange. Plus libre qu'un ange, elle ira tout simplement sauver le monde d'un sourire tendre. Toujours Pierre Arthur et la pièce Elle à Assemblage requis. C'était précédé des très sympathiques Tegan and Sarah avec Night Watch. C'est pas la pièce du palmarès, hein? Celle du palmarès, ben, c'est Hell. Des fois, on varie un petit peu. Donc, peut-être que la prochaine sera Night Watch. Quand sais-je? Moi, je trouve que c'est une des plus différentes de l'album. Je trouve qu'elle a vraiment un style particulier, celle-là, Night Watch. On a débuté avec Plagia, un classique des palmarès de C'est Fou, un classic gold hit, comme on dit dans le domaine de dans le fond, on dit pas trop dans ça. La pièce est Beautiful Explosion. Il n'y a personne qui dit ça. Il y a juste moi. Comme la marque de commerce. Classic Gold Hit! Donc, vous êtes avec Mathieu Plante à l'émission Assemblage requis, plan nécessaire, vigilance auditive requise, etc., etc. On passe un bon petit deux heures ensemble, comme ça, du lundi au jeudi. Tantôt, il va y avoir une chronique CNX. Aujourd'hui, le thème, c'est la cybercriminalité, des choses croches, des choses juste... C'est pas fine. C'est pas gentil du tout. Vraiment pas. Dans le prochain bloc, qui est constitué de pièces du palmarès anglophone, il va y avoir du tout Irish Traffic, mais on débute ça avec Hockey tout de suite. Voici... La pièce Too Fake. Assemblage requis. Sur Sifu 89.fm. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Aucun sens. Je parle, je m'écoute, puis je comprends même pas ce que je veux dire, finalement. C'est dur d'être moi. Join is Scott Johansson avec la pièce Shampoo, c'est sur le palmarès anglophone. Ça, même chose pour Irish Traffic qu'on a entendu avant et la pièce Noisemaker. Et on a débuté le bloc avec Too Fake de la formation Hockey. Donc un groupe du palmarès anglophone, palmarès que vous pouvez synthétiser assez fou. C'est les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. Vous savez que plus tard, il va y avoir une chronique technologique CNX. On va parler de cybercriminalité. Ça s'en vient après le prochain bloc. Mais avant ça, je vous parle de quelques petites affaires qui s'en viennent sur les ondes de C'est fou. Hein? C'est vrai. Aujourd'hui, plusieurs émissions en soirée. Hein? Entre autres, Chérie m'écoute-tu, qui est une émission musicale aux saveurs variées animée par Sophie Laforêt. Folk, rock, pop, indie, électro, ainsi que l'alternative se donne rendez-vous tous les lundis à 18h. C'est juste après Donne-moi le goût. Et puis, plus tard en soirée, après Le Voyage insolite et les émissions de Simon Fitzbé, album classique et krautrock, il va y avoir C'est au poil avec DJ Metal Chaton et DJ Sexy Attitude Joe qui vont prendre les ondes pour parler d'actualité métal. Il va y avoir des entrevues et des découvertes à chaque semaine pour tous les poilus. Donc, soyez à l'écoute ce soir C'est ce qui s'en vient assez fou. Allez voir www.cif.ca pour en savoir plus, pour voir la programmation au complet et pour télécharger les balado-diffusions. Entre autres, des balado-diffusions qui ont été ajoutées très récemment pour nos émissions quotidiennes. Il y a la chronique de Sophie Laforêt et de Simon Fitzbé à la pilule du lendemain. Même chose pour la chronique sur le service aux étudiants. Dans le dîner de cons, ce qu'il y a de récent, une entrevue avec Fred Pellerin. La chronique de Gilles Ladouceur et Tendance Mode International. La chronique sexe, ça passe ou ça casse. Il y a l'ange ingrat et la sexomniaque. Un bon petit sketch, très très délicieux. Du côté d'Assemblage Requis, l'émission que vous écoutez en ce moment, on a eu Polyp récemment, c'est sur le www.cif.ca que vous allez pouvoir entendre l'entrevue avec Polyp, donc allez-y. Et tant qu'à être sur Internet, il y a assemblagerequis.com pour tous les liens de l'émission. Assemblage Requis, ah, ça en fait beaucoup à retenir, hein? Mais bon, je vous fais confiance là-dessus. On retourne en musique avec un bloc flashback un peu avec de vieilles pièces francophones que j'avais envie de sortir parce que c'est très très bon. Tantôt on va entendre une pièce de Alex Champigny, mais on commence avec la Baroque Machine tout de suite. Voici Tard l'autocar. Ah, c'est fou, 89 FM, c'est Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. compris ce que je fais. Si tu arrêtes de rire, tu vas te dire moi aussi. Plusieurs personnes voient des coïncidences. Certains se disent qu'on peut faire sa chance. Le jour reviendra, tu te verras dans le décor. Relisant les textes, visant les sketchs, tu n'es pas mort. C'est un moteur qui fait battre ton cœur à chaque fois. Depuis longtemps, compter les heures en serrant les dents. On croit souvent des êtres sarcastiques. C'est assez typique des esprits rationnels. Il va toujours y avoir l'opposition et la conclusion. Tu vas penser. C'est comme ça. Revenu à moi, les cadres sur le mur me donnent le vertige. Je La Patère Rose et la pièce L'Éponge, ça vient d'entrer dans le palmarès francophone, ça, très récemment. Avant, on a entendu Alex Champigny et Bouddha Cénéro, un classique. Même chose pour la Baroque Machine qui a débuté ça avec Tard l'Autocar. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Maintenant, ben, tu sais, je vais être tout seul aujourd'hui, mais je vais faire une chronique technologique CNX quand même. Dash.com. Cybercrime. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de cybercrime, que ce soit des choses croches qui sont passées, des choses illégales, des choses pas correctes, n'importe quoi de justicier ces cybercrimes. On commence avec Matthew White, 24 ans, de Sacramento, en Californie, qui aurait téléchargé de la pornographie juvénile il y a 2 ans, ce qui pourrait lui valoir une peine de prison de 20 ans. Le hic, c'est qu'il dit que c'était un accident. Mm-hmm. White cherchait bel et bien de la pornographie, mais il était loin de se douter qu'il tomberait sur du matériel juvénile. Il a d'ailleurs supprimé les fichiers dès qu'il les a vus. Ça ne m'attirait pas, je cherchais les femmes de mon âge, s'est expliqué à CBS. Un an plus tard, le FBI a cogné à la porte de ses parents pour fouiller l'ordinateur. Ils ont pu trouver les fichiers. Comme White ne se souvenait plus d'avoir téléchargé ses fichiers, il a demandé aux inspecteurs où il les avait trouvés. Ils étaient effacés, mais toujours trouvables, quoique White n'aurait pas pu les consulter. Wow! Donc, vraiment, ils sont allés chercher les fichiers qui ont été effacés et supprimés de la corbeille. Donc, ils ne pouvaient plus les regarder. Mais c'était quand même trouvable par des gens qui savaient où chercher. Mais tu sais, je veux dire, il me semble que si ça, ça avait été quelque chose qu'il aurait voulu garder, sachant pas qu'il allait être fouillé, là, ça n'aurait pas été dans sa corbeille effacée, ça. White plaidera coupable aux accusations qui pèsent contre lui dans l'espoir d'obtenir une sentence de 2 ans de prison et de 10 ans de probation. Son nom devrait aussi paraître au registre des délinquants sexuels. Il va comparaître le 8 janvier prochain. Ouch! L'article vient de brancher. Les autorités chinoises ont décidé d'offrir des récompenses allant jusqu'à 1 500 $ aux internautes pour repérer et dénoncer des sites Internet pornographiques, selon l'agence Chine Nouvelle. Une ligne téléphonique ouverte vendredi dernier par le Centre sur les informations illégales sur Internet a reçu 500 appels en 24 heures et 13 000 connexions Internet ont été enregistrées. Le Centre est chargé de rechercher des sites Internet ou des sites accessibles par téléphone mobile au contenu obscène ou faisant la promotion de produits liés au sexe. Une récompense comprise entre 1 000 et 10 000 yuan est promise à la personne qui sera la première à dénoncer un site au contenu répréhensible. La Chine, qui compte le plus grand nombre d'internautes au monde, on parle de 300 millions, a lancé en début d'année une grande campagne anti-pornographie et a même décidé de restreindre encore l'accès aux informations à caractère sexuel, y compris scientifique, sur Internet. Y compris scientifique. Même des termes médicaux, là, inacceptable, on parle pas de ça, ça n'existe pas. Les autorités ont également décidé de doter tous les ordinateurs individuels vendus sur son territoire de logiciels anti-pornographie, malgré les inquiétudes exprimées dans le pays et à l'étranger. L'article vient de l'agence France Presse. Ah, la liberté de tout, là-bas, en Chine. Bayonnais. Un autre article de l'agence France Presse via cyberpresse.ca. 2 jeunes internautes tibétains ont été condamnés à 3 ans de prison, notamment pour avoir téléchargé des photos du Dalai Lama. A affirmé l'organisation Reporters sans frontières dans un communiqué. Jialting et Nima Wangchuk, détenus depuis le 1er octobre à Lhasa, la capitale de la région autonome tibétaine, ont été condamnés pour communication d'informations à des contacts à l'extérieur de la Chine. Cette condamnation remonterait à début décembre, selon RSF, qui précise que la date de leur procès n'est pas connue de manière exacte. Et je cite... Leurs familles n'ont jamais pu leur rendre visite en prison, n'ont reçu aucune information les concernant et s'inquiètent de leur état de santé. RSF note que 3 autres internautes ont été arrêtés le 1er décembre pour les mêmes motifs et restent détenus dans un lieu qui n'a pas été révélé. Ils n'ont pas encore été jugés. L'organisation appelle à la libération immédiate de ces internautes et à l'abandon de toutes les poursuites à leur encontre. Ils n'ont rien fait de mal en s'échangeant tout simplement des photos du leader spirituel tibétain. Dit la citation. Ces condamnations sont aberrantes. Ces jeunes internautes ne doivent pas faire les frais des tensions entre les autorités chinoises et le Dalai Lama. Le Dalai Lama vit en exil à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, depuis qu'il fuit le Tibet après l'échec d'un soulèvement anti-chinois à Lhasa en 59. Il est considéré par le gouvernement chinois comme un dangereux séparatiste. Hein? Une accusation rejetée par le lauréat du prix Nobel de la paix qui revendique une large autonomie pour la région du sud-ouest de la Chine. Ah, ça finira jamais, ça, cette affaire-là. Jamais. Ah, espérons que ça va finir un jour. La police de Hong Kong, Bon, reste dans le même territoire, tente d'identifier un groupe d'usagers du site de socialisation Facebook qui ont encouragé des adolescents à des suicides collectifs après une tentative de suicide de l'un d'eux. Quelques 190 personnes ont rejoint le groupe intitulé « Je dois commettre un suicide » qui a appelé des jeunes à se donner la mort le 21 décembre selon un journal de Hong Kong, South China Morning Post. Le créateur du groupe Facebook a dans le même temps diffusé un message indiquant que ce groupe n'était qu'une blague. Un très cocasse blague ici. Les membres du groupe devaient discuter des moyens de se suicider. La page du groupe a été retirée de Facebook quand la presse locale s'est emparée de l'affaire. La police a ouvert une enquête alors qu'un des jeunes appartenant au groupe avait tenté de se jeter du toit de son école il y a 2 semaines. Ah, c'est joyeux, joyeux. Dans le domaine de Facebook, le fondateur de Facebook affirme que des changements seront bientôt apportés au populaire site de réseautage social pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la protection de leur vie privée. Mark Zuckerberg a publié une lettre ouverte sur la page d'accueil de Facebook que vous avez peut-être vu. Les 350 millions d'utilisateurs de Facebook l'ont reçu, laissant entendre la mise en place prochaine de nouveaux outils visant à protéger la vie privée. Les utilisateurs pourront ainsi décider qui parmi leurs amis pourront voir le contenu qu'ils publieront, comme les photos et les vidéos. Selon M. Zuckerberg, Facebook répondra ainsi à la demande de nombreux utilisateurs. Les nouveaux outils sont testés par un nombre limité d'internautes depuis le mois de juillet. Facebook a aussi choisi d'éliminer le concept de réseau privé basé sur les écoles, les entreprises ou les régions. C'était peut-être un petit peu trop facile de trouver quelqu'un avec qui faire des choses pas correctes. Hein? M. Zuckerberg a ajouté que les utilisateurs se verront demander de réviser leurs paramètres de confidentialité dans les prochaines semaines. L'article vient de la presse canadienne. Toujours avec Facebook, les sites de socialisation Facebook et MySpace ont fermé les comptes de 3533 délinquants sexuels condamnés dans l'État de New York pour se conformer à une loi destinée à lutter contre les prédateurs sexuels sur Internet. Le ministre de la Justice de l'État de New York, Andrew Cuomo, a appelé les autres réseaux sociaux sur Internet à suivre l'exemple des deux sites et appliquer la loi Electronic Security and Targeting of Online Predators Act, ou le E-Stop. Ah, c'est drôle comment des fois ça forme des mots comme ça avec un hasard total. Hein? Un texte voté l'an dernier qui exige que les délinquants sexuels condamnés communiquent toutes leurs adresses en ligne. Facebook et MySpace utilisent avec succès eStop pour aider à rendre Internet plus sûr, et il est temps pour tous les sites de socialisation de faire leur part du travail, a dit M. Cuomo. Facebook a fermé 3410 comptes liés à 2782 délinquants sexuels enregistrés, tandis que MySpace en a fermé 1975 comptes liés à 1796 délinquants sexuels au cours des dernières semaines. Certains délinquants avaient des comptes sur les deux sites, ce qui explique la divergence de chiffres en ce qui concerne le nombre total de délinquants concernés. Environ 8100 délinquants sexuels identifiés ont fourni les informations concernant leurs comptes sur Internet aux autorités de l'État, qui les ont ensuite transmises aux sites de socialisation. On se débarrasse de quelques mauvaises pommes qui viennent pourrir le reste de l'Internet. 7 petits Américains aux cheveux roux. Hein? Drôle de nouvelles, hein? C'est un tout autre sujet, mais toujours dans le domaine de Facebook, hein, parce que c'est vraiment la chose, la place où il se passe le plus de choses. Bon, donc... 7 petits Américains aux cheveux roux ont été agressés physiquement ou verbalement via Internet dans un collège de Californie par d'autres préadolescents, apparemment inspirés par une page de Facebook. C'est ce qu'a indiqué la police qui a arrêté 3 garçons. La page du site de socialisation a invité à célébrer le jeudi 20 novembre la journée nationale Taper un rouquin, ou le Kick a Ginger Day. Complètement immature. En anglais américain, un ginger désigne... Wow, c'est fun qu'on m'explique ça. Un ginger désigne un individu aux cheveux roux et avec des taches de rousseur. Merci, techno.cyberpresse.ca. Le shérif de Lost Hills a indiqué avoir arrêté mercredi 3 garçons de 13 et 12 ans, inculpés pour l'un de menaces sur Internet et pour les deux autres de coups dans l'enceinte de l'école. 4 garçons et 3 filles ont été l'objet d'attaques parce qu'ils étaient roux au collège Wright Middle School. Un jeune garçon de 12 ans a été ainsi bousculé et frappé à 2 reprises par un groupe d'élèves de 5e et de 4e année, hein, avec sûrement un âge mental un peu moins élevé. L'incident semble avoir été provoqué, selon la police, par l'épisode de dessin animé South Park, où un personnage décrit les rouquins comme des êtres sans âme et diaboliques. C'est un dessin animé, pas la réalité. Sur la page créée sur Facebook, des douzaines d'enfants avaient laissé des messages affirmant qu'ils avaient mené des attaques. Bravo! Superbe! Ah, une autre affaire vraiment qui va me faire sauter là, un peu. Là. Ça, là, c'est vraiment ridicule. Hein? Je vais vous montrer ça. On va se dire les vraies affaires. Hein? Recommençons à zéro. Dans la chronique autour du net récemment, ici même dans CNX, dans l'assemblage requis, j'avais parlé du site jetuunami.com. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était intéressant. Je l'ai essayé avec un de mes collègues ici au bureau. C'était très, très drôle. On a passé un beau petit 2-3 minutes de plaisir. Rien de mal là-dedans. Donc, le site jetuunami.com était utilisé à mauvais escient. Mm-hmm. Un internaute pourrait être l'objet de poursuites, a affirmé la Sûreté du Québec dans un article qu'on voit dans le Journal de Québec. Et je cite, « C'est sûr que nous sommes dans une situation hypothétique et que nous travaillons avec des faits », a lancé le porte-parole de la SQ, Grégory Gomez Del Prado. « Mais si une personne utilisait ce site web avec une intention criminelle à ce moment, elle pourrait se faire poursuivre. » Ce dernier affirme que le site pourrait ouvrir la porte à des accusations de menaces dans ces circonstances. Si vous vous rappelez pas de quoi avait l'air le site jetuunami.com, je vous en fais un petit topo là. Le jeu où tu écris le nom de la personne, tu envoies une photo de face bien cadrée, tu l'envoies et ça va mettre la face de la personne sur une vidéo. T'as le choix, là, je pense, de 4 ou 5 vidéos avec 4 ou 5 personnes différentes. C'est pour une chaîne de télé à la Mystère, tu sais, la chaîne de TVA, le Mystère, là, où ils passent des émissions mystérieuses. Hein. Finalement, c'est ça, ça met ta photo, la photo de la personne, hein, à qui tu veux faire cette blague-là, sur la vidéo. Et puis là, la personne dans la vidéo se fait frapper avec une batte de baseball ou kicker dans la face comme si c'était un rouge, je sais pas. Peu importe, il y a plein d'affaires comme ça, plein de thèmes à essayer. On rappelle dans l'article que le net n'en est pas à son premier jeu controversé, le jeu Second Life, un univers virtuel où les internautes peuvent interagir, a connu un épisode il y a quelques années où le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête pour une histoire de viol perpétré dans ce monde numérique. En février dernier, le site Amazon.com avait quant à lui banni la vente d'un jeu vidéo japonais, autorisant les joueurs à simuler des viols. L'éditeur de ce jeu, Illusion, est par ailleurs à l'origine de jeux tels que Battle Raper et Artificial Girl. Donc ici, dans le fond, tout ce que l'article du Journal de Québec dit, c'est que si le site web jetuunami.com était utilisé à mauvais escient, un internaute pourrait être l'objet de poursuites. D'accord? Donc, dans le fond, l'article ne dit rien. L'article dit pas qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est que ça se pourrait que peut-être que si à un moment donné, quelqu'un faisait peut-être quelque chose de pas correct avec ça, il pourrait y avoir peut-être des accusations de menaces. C'est beau. Très, très beau. Tout ça pour un jeu. Hein? Un site web. Des plus banals. Très bien fait. Très intéressant, très fun à jouer. Mais en même temps, tu sais, on se calme les pompons un peu là. Hein? Nombreux pompons. OK. Bon, donc, je vais devoir sauter par-dessus quelques trucs. Le temps file, il me reste plein de sujets. Je vais vous laisser quelques articles sur le blog ou assemblagerequis.com. Entre autres, un article sur le Nouveau-Brunswick qui veut prévenir l'exploitation des enfants sur le web. On a aussi le piratage qui aurait doublé en 2 ans selon Microsoft. Hein, le groupe Microsoft qui a annoncé que les alertes aux logiciels piratés avaient doublé en 2 ans, ce qui menace la sécurité des ordinateurs car beaucoup de programmes informatiques contrefaits sont porteurs de virus. Mm-hmm. On a aussi Virgin Media qui surveille le téléchargement illégal à l'insu de ses clients au Royaume-Uni. Hein, le système est testé par 40% de leurs abonnés sans qu'ils le sachent. Et on va se terminer ça avec... Un autre à vous laisser sur le site web. On n'en parlera pas parce que ça commence à faire plusieurs jours de ça. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle ailleurs. Mais le site Mininova a rendu les armes. Les plus récents films et albums ne sont plus répertoriés sur le site d'échange de fichiers BitTorrent, mininova.org, un endroit où on pouvait trouver des émissions de télé, des films, des jeux vidéo, n'importe quoi. Donc le site qui était est encore basé aux Pays-Bas, a retiré tous les liens qui menaient à du contenu protégé. Maintenant, ce n'est que des compagnies qui doivent être approuvées, qui vont envoyer du contenu qui est, dans le fond, parfaitement légal sur ce site de fichiers torrent où on peut partager des fichiers normalement illégaux, mais maintenant aussi légaux, mais en fait depuis toujours légaux et illégaux, hein, ça se partage le territoire. Tout ça donc pour terminer avec le dernier article de cette chronique CNX Cybercrime. C'est sur son fil Twitter que l'Australien Ashley Towns a annoncé qu'il développera des applications pour le iPhone par l'intermédiaire d'un emploi chez Monogénération. C'est le créateur du premier verre de l'iPhone, donc un virus, un verre informatique, mais sur l'iPhone, développe maintenant des applications pour Apple, légalement. Donc, le verre inoffensif nommé iKey est créé par le jeune homme de 21 ans il y a quelques semaines, on en parlait à CNX, remplaçait l'écran de fond des iPhones débloqué par une image de la vedette pop des années 80, Rick Astley. Hein? I'm never gonna give you up. Monogénération avait même commenté l'exploit sur son blog. Même si Ashley Towns a admis être l'auteur du verre et d'avoir personnellement infecté au moins 100 téléphones, il n'a jamais été puni pour son acte. Pourtant, son logiciel malveillant a servi de modèle au dangereux verre DUH, le second à s'attaquer à l'iPhone débloqué. Donc, l'iPhone débloqué, c'est quand on doit faire une petite manipulation pour rendre l'iPhone plus ouvert et lui permettre d'installer des logiciels qui ne sont pas approuvés par Apple, qui est la compagnie qui fabrique l'iPhone. Bon, ce dernier... le verre de, tentait d'intégrer les téléphones à un réseau zombie et de subtiliser des données personnelles et financières. L'Australie compterait entre 17 000 et 25 000 iPhones débloqués sur son territoire. C'est énorme. Des gens qui ont volontairement été chercher le petit hack patch crack whatever pour réussir à ouvrir leur iPhone à d'autres logiciels que ceux qui sont dans le App Store de Apple. Mon génération a déjà développé plusieurs applications pour l'iPhone telles que LingoPal, Zoomy ou le jeu Mooshake. L'article vient de Branchez-vous, c'est selon Sophos. Et voilà, ça fait le tour des nouvelles criminalistiques et cybercriminalistiques dans Cybercrime. Longue chronique aujourd'hui, hein? 15 minutes de chronique, c'est beaucoup, beaucoup. Mais je suis seul et je me le permets une fois de temps en temps. Voilà, donc il y aura une autre chronique CNX dans les prochains jours. C'est environ 3 chroniques par jour habituellement. Ben maintenant, c'est pas mal 3 chroniques par jour. Je dirais que c'est pas mal la règle du lundi au jeudi ici dans Assemblage requis. Et elles sont compressées en un seul et même fichier qu'on peut télécharger les lundis matins à 10h sur les ondes de C'est vous. Ça s'appelle de C'est vous. Hein, parce que j'ai comme dit C'est vous. Ça s'appelle cnx.zip. Soyez-y. Et allez voir assemblagerequis.com pour tous les liens de la chronique CNX et du reste d'Assemblage requis. Voilà. On va continuer en musique, hein, parce que vous savez, on aime ça écouter de la musique ici. On aime particulièrement écouter de la musique de palmarès parce qu'elle est toujours très, très bonne. On va aller écouter un extrait du palmarès anglo. C'est récent, ça, comme entrée dans le palmarès. Voici la formation Dead Man's Bones. Et My Body's a Zombie for You. C'était la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Dead Man's Bones et My Body's a Zombie for You sur les ondes du 89.1 FM. C'est Assemblage Requis et c'est la fin de la première heure. Il y en a un deuxième qui s'en vient juste après la pause. Il va y avoir entre autres Martin Bertrand et ses petites mythologies. Aujourd'hui, il va analyser le phénomène Paris Hilton. Alors, reste avec nous. Ah, mais dites-moi donc, qu'est-ce que je vois là? Mais c'est la deuxième heure d'assemblage requis qui commence! Salut, c'est Mathieu Plante, deuxième heure d'assemblage requis avec la présence de Martin Bertrand et sa chronique sur les postes mythologie. Aujourd'hui, il va analyser le phénomène Paris Hilton. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué ou qui l'ont remarqué, peu importe, je m'en fous un peu, mais je suis seul aujourd'hui. Mathieu Plante, oui, c'est vrai. Parce que Kiwan s'est blessé. Oui, il n'est pas chanceux, le pauvre. On espère qu'il va s'en remettre très bientôt pour la revoir le plus vite possible. Parce que sinon, je me trouve pas bien drôle moi-même, tu sais. Hein, il faut quelqu'un de rire pour rire de mes mauvaises blagues une fois de temps en temps. Donc voilà, c'est Assemblage Requis qui se poursuit jusqu'à 17h. On va se faire un beau petit bloc mélangé de plein de trucs. Pas juste du palmarès. Des fois, moi j'ai comme tendance, c'est vraiment un de mes défauts. J'ai vraiment tendance à faire des blocs genre juste palmarès, des blocs juste du classique du palmarès, des blocs juste des affaires qui sont pas dans le palmarès. Je mélange un petit peu le tout cette fois-ci, pourquoi pas. Tantôt, Vanessa Parietter, avant ça Mother Mother, mais on débute avec une pièce du palmarès, oui. Voici The Almost! Big mistakes. I'm not La formation The Almost avec leur pièce Hands, c'est sur l'album Monster Monster. C'est une entrée récente dans les palmarès, c'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Assemblage Requis qui est très heureuse, au féminin mettons, de une émission. Un assemblage par exemple. Oui, et un requis oui. aussi. Nicolas Ducharme, l'animateur de l'inconduite de partie qui a lieu les mardis matins entre 9h et 11h. Ça va bien Mathieu? Ça va bien toi? Ben toujours, toujours. Tu sais Mathieu, j'ai pas tout le temps la langue dans la bouche. Des fois, je l'échappe un peu à part, puis elle se fait une petite course. Là. Ouais, maintenant, t'as une petite ficelle. Là. Oui, bien sûr, ouais. Une petite corde même, une chaîne. Une chaînette, c'est le terme que je cherchais. Écoute, je viens de parler aujourd'hui, le centre Bionès qui a ouvert l'an dernier à Shawinigan. Shawinigan, reconnu pour, depuis environ 25 ans, était reconnu pour être une ville fantôme, ou presque. Ouais. A eu la bonne idée, enfin, c'était très requis, de remplacer le vétueux Arena Jacques Plante par un aréna plus moderne, pour la technologie, à la fine pointe de la technologie, exactement. On se coupe en y touchant. Et c'est ça, exactement. Donc, l'aréna, différence, je vais dire ben ça bien vite avec Jacques Plante, la différence, bon, nouveau système de réfrigération, des nouveaux sièges, plus de sièges. On parle environ de plus de 1000 sièges de différence. Je t'estime ça, là, mais tu sais, il y avait tout à des places debout. Bon, ça monte tout le temps. En gros, les loges, tout ça, bon. Il y a eu beaucoup de chiales au niveau de cette arena-là. Ce qui arrivait, bon, ça, on disait que ça allait coûter cher, blablabla. Les gens, tu sais, veulent pas sortir. On est fort là-dessus au Québec. Ouais. On sort pas le portefeuille. Gratteux un peu. Gratteux, tu dis, à peu près. Le Québec, pour te dire, là, c'est en retard sur l'Ontario, sur les Maritimes, environ 15 ans au niveau des arenas. Technologiquement. Là. Technologiquement, mais aussi au niveau de tes équipes. Si tu veux que ton équipe soit rentable, si tu veux que ton équipe soit capable d'accueillir ta ville en tant que telle, soit capable d'accueillir des événements et une équipe de qualité, ça te prend un aréna qui est capable de recevoir ça. Ben oui. Dans la région de Montréal, là, que ce soit Saint-Hyacinthe, Grimbay, Sorel, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, aucun aréna de qualité à ce point-là. Même Saint-Hyacinthe, c'est un aréna de 1938. Ah, oh, ouais? Oh, ouais, là. Wow. Maurice Richard a joué là. Ah, ouais, c'est vintage. Ça, c'est vintage, pas à peu près. Là. Donc, on ouvre ça à Shawinigan, parce que sinon, le club, les Cataractes, ça allait pas très bien, tu sais, c'était pas motivant d'aller voir ça. Ben non. Des sièges en bois, fait froid, t'as des poteaux qui te cachent la vue. C'est réglé avec le centre Bionès. Bon, ça fait un an que c'est ouvert. On a comparé ce matin, c'est Guy Veillette dans le Nouvelliste qui compare ça, les assistances au niveau de l'an dernier et de cette année pour la première moitié de saison. On parle d'une foule supplémentaire de 800 personnes de plus par moyenne par match. À 14$ le billet, là, paye quelqu'un. C'est pas mal d'argent. Rajoute la bière. Rajoute la bouffe. Rajoute le père qui amène son enfant et qui achète une gogosse. Toujours fort, ces gogosses. Un petit bâton, un petit chandail. Petit chandail à 100$ le chandail, ça monte vite. Oui. Ça monte vite à 100$ le chandail. Donc, ça valut la peine, c'est positif. Là. C'est très positif. Écoute, c'est sûr que les Cataractes ont eu une année débile l'an passé. Ils se sont fait arrêter au 7e match avant la finale, ce qui explique, bon, on est un peu comme sur un nuage présentement à Shawinigan. Mais moi qui couvre les parties là-bas, là, c'est pas comparable au niveau de comment t'es bien dans cette arena-là. Là. OK, les installations, bon, pour les joueurs, t'es mieux installé, t'es vestiaire, t'as de la place, t'as tout ce que tu peux faire. En plus, même la glace est rétractable, qu'on appelle. OK, je pense que t'allais dire la glace est meilleure. Ben, l'eau est de qualité maintenant. Tu ris, mais oui, parce que le système de réfrigération, s'il vient, il est de meilleure qualité. Là, j'ai pas l'information là-dessus. Tout ce que je peux te dire... C'est plus gelé. C'est, ben, la glace va être d'une meilleure gelure. Ouais, ça salure et plus salé. C'est un terme intéressant que je trouve que t'as là, une meilleure gelure. Merci. C'est toi qui l'as sorti en passant. Ben, je sais, je me parle. Ben oui, tu te félicites toi-même, bravo. Félicitations, Nicolas, une petite tape dans le dos. T'es beau. Donc, c'est ça, en gros. Donc, c'est très positif. En plus, pour un club là-bas, avant, il n'y avait pas de loge, ou à peu près pas de loge à l'aréna Jacques Plante. Maintenant, on parle de 25 loges cette année. Acheter une loge, j'ai pas le prix exact, mais ça tourne entre 10 et 14 000 $ par année, environ. Okay. Donc, ce sont plusieurs par loge, là? Ben, oui, t'as une dizaine de places dans la loge, tout ça, mais c'est des compagnies qui achètent ça. Ça, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui achète ça d'habitude. Là. C'est vraiment pour t'amener tes clients. Mais tu sais, à l'ancienne arena, t'amenais pas tes clients. Fait que là, fais le calcul, là, 10 000 fois 25, là, c'est 250 000 $ qui rentrent dans les poches du club où, bon, il y a tout le temps, bon, probablement qu'il y a de l'argent qui se donne des à la ville, puis, parce que la location de l'aréna en tant que telle qui coûte un certain montant. La gelure de la. De la bon, de ça, la c'est la ville, ça, c'est la ville qui paye en tant que telle. OK. Mais je trouve que c'est un beau monument, puis c'est dommage les gens qui chialent comme ça, parce que c'est vraiment ça que ça prend. On en parle, ça commence lentement, là, comme je disais, on est 15 ans en retard, mais à Trois-Rivières, le Colisée, c'est pareil pour le Colisée. C'est beau, là, mais c'est pas. Il n'y a pas de loge. On a les fameux poteaux qui nous cachent la vue. Bon, on a ça qui se rajoute. Je te parlerai pas de la galerie de presse au Colisée de Trois-Rivières parce que c'est pathétique. Pathétique, tu penses ça? Oui, c'est bien. On a Internet, c'est déjà ça. Le Wi-Fi est là, mais ça reste que c'est pas très... Ouais. Ben, comment ça se fait que le monde chiale là-dessus? C'est-tu parce que c'est des sports et que les sports, ça rejoint pas tout le monde? T'sais, mettons qu'on parlerait d'une salle de spectacle. Est-ce qu'on serait-tu la même controverse? Merci, tu l'as. On semble avoir des problèmes quand c'est temps d'investir. Par contre, une salle de spectacle... à Montréal, on va construire la salle de l'OSM, l'Orchestre symphonique. 250 millions qui estiment ça environ. Ça coûte cher. Sandbell a coûté ça, 250 millions. Ouais. Combien il y a de monde qui vont aller voir l'OSM en une année? Comment de monde vont aller voir le Canadien? Une bibliothèque, mettons. On construit une nouvelle bibliothèque, là, coûte super cher, ça. Ça coûte cher, mais c'est qu'on dirait qu'on veut pas investir dans le sport parce qu'on considère que l'aréna qui était là à Jean-Claude, c'est tout ce que ça prend, c'est une glace. On voit c'est pas ça, les nouvelles réalités. Ouais. Mais en plus, parce que les jeunes là-bas à Shawinigan, le petit jeune qui va voir une partie de ça, il aime ça, il trouve ça le fun, il retourne, il va peut-être s'inscrire au hockey. Il va peut-être devenir plus en forme. Il va peut-être finalement, il va aimer le hockey, mais il va se mettre à faire d'autres sports au lieu d'être sur Nintendo. Il va aller jouer à la patinoire. Fin de la vie, qu'est-ce que ça donne? T'as un peuple qui est plus en forme, qui est plus heureux parce qu'il s'est fait divertir. Tandis que rester devant la TV et tout ça, puis l'écouter tout seul dans ton salon en mangeant du popcorn la partie, là. C'est aussi le fun, mais. C'est le fun! Ça met pas en forme. Mais c'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas la même chose, puis tu te sens pas aussi impliqué. Exactement, très bonne morale. Puis de toute façon, pour continuer l'analogie avec les salles de spectacle, tu sais, si t'as une vieille salle de spectacle avec des vieux sièges en bois, puis des planchers tout croche, puis des poteaux dans ta vue, ouais, tu sais, devant toi, gros poteau. Non. Non. T'sais, bon. Tu y vas-tu? Non, tu y vas pas. Ben non. C'est ça. Bon. Fait que c'est exactement ça. Donc, félicitations par contre à la ville qui a tenu son bout là-dessus. Ouais. Il y en a gros qui avaient poussé pour faire annuler ça, ou en tout cas, c'était pas. Il y a eu des protestations. La mairesse Lise Landry avait tenu son point. Félicitations à elle, félicitations aux cataractes de Shawinigan aussi qui tiennent le fort vraiment, qui sont arrangés pour mettre une belle ambiance, beaucoup de marketing de la part des cataractes. C'était il y a quelques semaines, deux semaines, c'était le défi, la super série Subway, les Russes contre le Québec, dans le fond, junior majeur, okay, d'âge de moins de 20 ans, qui s'affrontaient, moins de 21 ans, excuse-moi. Qui s'affrontaient. Drummondville, il y a à peu près. Mettons en comptant les joueurs, puis les parents des joueurs, puis le gars de la cantine, 2000 personnes. 4000 personnes à Shawinigan. L'aréna de Drummondville, je pense, c'est 1960. T'es pas aussi bien habillé, t'es pas aussi bien assis, t'es pas pareil. Il y a tout le temps la partie marketing, ce que les cataractes font à merveille, le marketing. La gelure était parfaite, j'en suis sûr. La gelure était d'une haute qualité. Bon, on te retrouve, Nicolas Ducharme, demain matin à l'inconduit de partir entre 9h et 11h. Exactement. Merci. Hey, merci Mathieu. À la prochaine. De l'assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On continue en musique. Tout à l'heure, il va y avoir du valse pariétaire, mais avant ça, un classique de Mother Mother. Voici Oh My Heart, Oh Mon Cœur. Il y a personne qui aime moins les sports que moi. Je déteste les sports. Non, c'est correct. Mais je comprends les bienfaits d'un aréna. Tu m'as tenu la conversation. On se récrit à l'attaque à 5. Ben oui, c'était comme l'attaque à 2. Ouais. Une table. D'une drôle de forme, en passant. Mais moins niaiserie que c'est dit ici. Ouais, c'est ça. Puis y a pas Jean-Charles Lajoie qui copie le matériel des autres. Ouais, c'est ça. Vanessa Parietar et Un Ton Blême de leur album La Mer était vide que vous pouvez vous procurer sur www.vanessaparietar.com et c'est gratuit. Et mucho gratuito. Traduction simultanée. Tout à l'heure, on va se faire un petit bloc sur les nouveautés du palmarès anglophone. Mais avant ça, c'est l'heure d'aller entendre la chronique des petites mythologies de Martin Bertrand. Et aujourd'hui, il analyse pour nous Paris Hilton. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Paris Hilton. Paris Hilton est connue, de prime abord, pour être une riche héritière de la famille Hilton qui détient des hôtels partout dans le monde. Mais aussi, et avant toute chose, comme une jet-setteuse invétérée du tout Beverly Hills. Si, incidemment, elle a fait une carrière de mannequin assez vite oubliée et qu'elle a bel et bien commis quelques films qui lui ont valu le Razzie Award du pire second rôle ainsi que la pire note jamais attribuée sur l'Internet Movie Database pour son film The Hottie and the Naughty, elle n'en passera pas forcément à l'histoire. Mentionnons qu'elle a également commis un album. Ainsi, ce n'est certainement pas pour ses performances artistiques, mitigées, que notre sujet s'est démarqué. Et pourtant, elle a été nommée en 2006 par le Forbes Low Wayne, la personne la plus médiatiquement exposée au monde. Sa popularité, elle la doit en premier lieu non pas à sa carrière comme mannequin, mais à une série de télé-réalités diffusée autrefois par Fox et qui s'appelait The Simple Life. Elle y interprétait alors son propre rôle de riche héritière fantasque et habituée à être nourrie avec une cuillère d'argent qui se retrouvait dans le petit monde de la campagne. Si cette vie simple ne l'avantageait pas forcément, ce qui était après tout le prétexte de l'émission, elle s'est pourtant alors propulsée au sommet de la presse People, et ce, malgré la piètre qualité qu'on confère généralement à ses performances artistiques. Là où le phénomène s'avère intéressant, c'est à savoir pourquoi cette fille qui n'a rien d'avantage que son physique et sa richesse a réussi à se hisser en coqueluche des magazines de vedettes. Là où notre sujet se révèle être une icône particulièrement révélatrice du mode de vie contemporain, c'est dans le fait qu'elle est une coquille vide, un simulacre. Pas de talent particulier, pas de contenu, mais un emballage coquet. Elle est donc l'incarnation parfaite, l'image de notre monde actuel où la substance se résume au symbole et où, comme le disait Marshall McLuhan, philosophe canadien des médias, le médium, c'est le message. En effet, la société contemporaine se base sur une pléthore d'informations et cette surabondance fait que le citoyen n'a plus le temps de s'attarder à approfondir quoi que ce soit. Qui trop embarrasse, mal étreint. Devant son incapacité à fouiller tous les sujets, vu le bombardement de données dont il est assailli, son regard va là où il peut se poser, sur l'image la plus plaisante. L'image a donc intérêt à être la plus séduisante possible, car elle fait figure de contenu. On pourrait donc dire qu'à ce titre, Paris Hilton est un peu l'ambassadrice de la société de l'image. Elle se pose également comme projection d'un idéal actuellement très fort, celui de la célébrité. Si autrefois les gens voulaient devenir chanteurs célèbres, acteurs célèbres, peintres célèbres, aujourd'hui, on oublie le nom commun pour ne garder que l'épithète. On ne souhaite que devenir célèbre. C'est là un truchement fort parlant en soi, car on oublie l'effort pour parvenir à son dessein, la renommée. L'un n'est plus le fruit de l'autre, mais un concept autonome. C'est le culte de l'ego poussé à son extrême, car que voit celui qui regarde la photo de Paris Hilton en première page des magazines, sinon une projection de lui-même qui pourrait lui ressembler ou vers quoi il aspire, à plus forte raison avec la télé-réalité qui permet aujourd'hui à n'importe qui de se dresser en icône sans avoir aucun talent, ni même faire preuve d'aucune ardeur. C'est malheureusement l'idéal social actuellement véhiculé. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Oh oui, c'était une petite mythologie de Martin Bertrand, chronique qu'on peut retrouver en balado-diffusion sur le www.cifou.ca. Ça, c'était la dernière chronique de la série 1. On va entrer dans la série 2 bientôt. Ici, dans l'assemblage requis, je crois que ça va être seulement en janvier. Donc, soyez-y, on va entendre parler, entre autres, du iPod nanochromatique, Second Life, Homme cherche femme, la presse People, les mots de Javel, Noël, la viande hachée et le bonheur en pilule. Je crois qu'on devrait se garder Noël pour très bientôt ici, dans l'assemblage requis. Bref, voilà, www.cfou.ca. Vous êtes toujours à l'assemblage requis. Oui, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On va se taper un petit bloc de nouveautés anglophones hein, parce qu'il y a plein de choses qui entrent dans le palmarès anglophone à chaque semaine. Et pour les savourer et pour pouvoir les faire jouer plus souvent, hein, parce que les palmarès de C'est fou, ben, c'est les animateurs de C'est fou qui décident. C'est ce qu'ils aiment pas, qui monte et qui descend. Donc, si on veut apprendre à les aimer, il faut les entendre, n'est-ce pas? Donc, tantôt, il va y avoir du Devil's Hot Rod et du Red Mass, mais on commence par la formation The Shagbot. Voici Kildo Martinez. C'est à Assemblage Rocky au 89.fm. We'll be right back. this is death. Now you're Un bloc qui contenait 3 des 6 nouvelles entrées du côté anglophone entre palmarès ici à C'est Fou. Ça, c'était The Devil's Hot Rod et Wild Wild Mummy. C'était précédé de Red Mars avec... est-ce que c'est ça le nom du coup? Quel imbécile. Red Mass, oui, c'est ça. Red Mass, pas Red Mars, franchement. Donc, la pièce s'appelait Saturn et on a commencé avec The Shackbot et Kildo Martinez. Très bon bloc de nouvelles entrées. On en entendra d'autres pendant le restant de la semaine de ces nouveautés. Mais pour l'instant, c'est l'heure de parler de quelques nouveautés, de quelques sorties culturelles. Sorties culturelles est l'expression que je voulais utiliser. Ce soir, c'est lundi multi au Zénob. Un peu de tout au rendez-vous, improvisé ou non, disent-ils. Les lundi multi se veulent un espace de création libre et ouvert à tous, sans discrimination, à quiconque est prêt à créer en équipe. Amène ton instrument, amène tes textes, amène quelque chose. Musique expérimentale ou non, poésie ou non, quelque chose ou autre chose, vidéo en couleur ou non. Le thème du mois, les lundi multi du Zénob, 100 balles ou ta boîte. Ben là, je vais pas sacrer en nom, mais les lundi multi du Zénob, 100 balles ou ta boîte. Donc, un party de bureau ou un souper de famille, peu importe, chaque participant doit apporter quelque chose. Un objet, un instrument, une note, peu importe, le tout emballé et ils vont travailler à partir de ça. Voilà. Si vous voulez participer, il faut arriver à 20h, sinon ça débute à 21h et c'est gratuit, c'est les lundi multi au Zénob. Ensuite, quelque chose qui continue jusqu'à dans deux jours, jusqu'à mercredi, vous savez peut-être. Si vous savez pas, ben je vais vous renseigner. La GEQTR organise une collecte de denrées du 16 novembre au 9 décembre, donc jusqu'à mercredi sur le campus de QTR. Les denrées seront recueillies au comptoir de l'AGE qui est au 2218 Albert Tessier ou sinon au 1000 Michel Sarrazin de 9h à 15h. Après cette collecte, les paniers de Noël vont être remis à des étudiants du campus qui en ont besoin. Donc voilà, c'est l'AGE qui demande vos denrées. Ensuite, un référendum, vous le savez, vous êtes au courant, certainement. Un référendum qui a lieu du 23 novembre jusqu'au 10 décembre. Ça, le 10 décembre, c'est un jeudi sur le campus du QTR afin que les étudiants se positionnent pour ou contre le renouvellement de l'adhésion de leur association étudiante, l'AGEQTR, à la Fédération étudiante universitaire du Québec. Ça, c'est la FEUQ. Tous les étudiants sont invités à participer dans la campagne référendaire dans les comités partisans du oui ou du non. Vous pouvez envoyer un courriel à referendum.age@qtr.ca, mais sinon, il faut aller voter. C'est sur votre portail étudiant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai un petit papier ici. Mercredi 9 décembre à 19h, spectacle engagé sous la thématique et la langue, elle. Et un point d'exclamation. Moi, j'aurais peut-être mis un point d'interrogation, mais peu importe. Les invités, Pierre Curzi, Amélie Gagnon et Julie Morin, Loublon, Rémi Francoeur et Jean Bonenfant. C'est organisé par artistes volontaires. Musique, poésie, rap, conte, conférence. L'événement se déroulera au bistrot bar Le Charlot. L'entrée est gratuite. Le Charlot, c'est sur Notre-Dame. Donc, le spectacle engagé sous la thématique et la langue, elle. Ça se passe mercredi 9 décembre à 19h. Voilà, c'est culturel et moins culturel, dépendant des sujets. Mais quand même, c'est des choses à faire, à voir, à regarder, à penser à, si on veut. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. On va entrer dans un petit bloc francophone avec du palmarès, encore une fois, oui. Tantôt, il va y avoir Shampoing avec Richesse de la Flore, pièce que je vais... je sais pas si je dois dire ça. Pièce que je vais dédier à Kiwan, parce que c'est quelque chose qui va peut-être avoir de la difficulté à faire pendant les prochains jours avec ses problèmes de dos. C'est Richesse de la Flore. Vous écoutez les paroles et vous me direz ce que vous en pensez. On commence avec le nombre. Voici Debbie Cooper. Tout de suite, au 89 FM, c'est Assemblage Requis jusqu'à 17h. richesse, la flore. Parlez-moi en or des paniers, dans le sud au moins on croit pour se torcher. Je me suis j'ai cul l'hiver, assis seulement au fer. Moi toujours m'en rappeler au chagrin. Ça me rappelle un vieux sage du pays d'Adirondack. Il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Parlez-moi en or des paniers, dans le sud au moins y'a quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, assis un bar au fait. Moi toujours m'en rappeler au chagriné. Ils ont juste à se prendre deux semaines pour se faire chauffer la couette. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moins y'a quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, merci seulement pour faire. Moi toujours m'en rappeler au Saint-Gambé. Shampoing et richesse de la flore à assemblage requis qui tire à sa fin. Oui, c'est vrai. Avant Shampoing, il y avait le nombre avec D.B. Cooper. Mm-hmm. Comme je disais, ben, c'est parce qu'à la fin, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient plus tard aujourd'hui à C'est fou. À 17h, c'est Donne-moi le goût qui commence avec de la musique variée. Ensuite, à 18h, c'est Chéri Mikotu en compagnie de Sophie Laforêt. À 19h, il y a le Voyage insolite pour la culture rock. À 20h, on continue dans le rock avec Album classique, l'émission de Simon Fitzbé. Simon qui anime aussi Krautrock à 21h. Et à 22h, c'est au poil, l'émission de métal. Sur nos ondes, demain, bien évidemment, les quotidiennes sont de retour avec la pilule du lendemain à 7h et le dîner de con à 11h. Nous, à Assemblage requis, on va être là dès 15h avec la présence de Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll Paul is Dead. On va aussi recevoir Émilie Gauthier pour parler plein air un petit peu. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui, pour la balado diffusion et plein d'autres choses, et le cif.ca pour la programmation de C'est fou. Voilà, on va se quitter avec la musique de Band of Skulls, une autre pièce du palmarès anglophone, c'est I Know What I Am. Passez une excellente soirée, on se retrouve demain dès 15h pour Assemblage requis. Bye bye! Gasoline.